Le vin du solitaire. Le regard singulier d'une femme galante qui se glisse vers nous comme le rayon blanc que la lune onduleuse envoie au lac tremblant quand elle y veut baigner sa beauté nonchalante. Le dernier sac d'écu dans les doigts d'un joueur, un baiser libertin de la maigre Adeline, les sons d'une musique énervante et câline semblable aux cris lointains de l'humaine douleur. Tout cela ne vaut pas, ô bouteille profonde, les baumes pénétrants que ta panse féconde garde au cœur altéré du poète pieux. Tu lui verses l'espoir, la jeunesse et la vie, et l'orgueil, ce trésor de toute gueuserie qui nous rend triomphants et semblables aux dieux.